Eh bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être là à chaque semaine. Cette semaine, c'est un peu spécial. Cette semaine, c'est les nouveaux visages que j'ai reçus au cours de l'année 2018. Des nouveaux usages, des jeunes qui sont à surveiller, bien entendu. Donc, on va entendre, entre autres, du Émilie Landry, du Dave Poids. Il y aura également René Ray, Marie-Claude, McLean, Lord Byron, Véro, René Lamoureux, Étienne Fletcher et bien d'autres. Donc, deux heures de nouveaux ou de jeunes qui, dans les deux dernières années, sont apparus sur la scène musicale franco-canadienne, à surveiller, bien sûr. On commencera dans quelques instants avec des jeunes acadiens. Restez là! Eh bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean, Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chitika, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. Il y a en vol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à canrock@cdn.com. Allons-y avec le bloc des maritimes. Comme je vous dis, nouveau visage qui, dans les deux dernières années, sont venus me chercher, me séduire et qu'il faut surveiller. Il y a côté féminin, bien entendu, Émilie Landry qui, je pense, l'automne 2017, début 2018, a sorti Être social, réalisé par Daran. Drette là, c'est sûr que ça va être bon. Et effectivement, c'est bon, Être social. On va entendre la pièce Embrasse un miroir, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est Chloé Brault, avec son petit album Love, partout où elle passe, elle fait tourner les têtes. Donc, on va entendre ça, Love. Et on va entendre Audrey Basque-Gauguin, qui a fait belle figure à Accro de la chanson 2018 et bonne figure au gala de Caraquette. On l'écoutera également avec Seul. J'ai passé de belles soirées avec toi et ton ego. On s'est bien éclaté, mais je crois que je t'aide trop. Dans ce ménage à trois, hors de l'ordinaire, dis-moi, c'est qui que tu préfères? Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, perds-toi dans les yeux qui me font broyer du noir. Fais-toi l'amour en grand solitaire au centre de l'univers. T'as les mains pleines et tu sembles déjà tout avoir. Je ne voudrais pas interrompre une si belle histoire. Le temps que je suis là, tu pourrais en prendre avantage. Dis-toi que je suis seulement de passage. Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, pars-toi dans les yeux qui me font voiler du noir. Fais-toi l'amour, entre en solitaire au centre de l'univers. Oh, oh, oh, oh. Je ne veux surtout pas casser l'ambiance en faisant acte de présence. Si tu veux, je peux partir. J'ai laissé ce que tu désires. Ah, je le sais ce que tu désires. Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, perds-toi dans les yeux qui me font broyer du noir. Fais-toi l'amour en grand solitaire. suis sage comme une image. Je ne veux jamais parler. Je suis sombre comme un nuage, mais je finis toujours par pleurer. Mon seul ami, c'est mon ombre. Il me suit toujours par en arrière. Qui est là quand moi je tombe, même dans mes étranges barrières. Mon corps encaisse les coups et ma tête retient les mots. Je fais semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Parfois je me sens si seule quand le monde ne tourne pas. Je me sens comme un vieux déchet que personne ne veut de moi. Je suis sage comme une image. Je ne veux jamais parler. Je suis sombre comme un nuage et je finis toujours par pleurer. Semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Quelle puissance dans la voix, quelle présence, j'imagine, sur scène, parce que sur l'album d'Accro de la chanson, on sent là, l'intensité qu'elle dégage. Donc, retenez ce nom, tout simplement, Audrey Basque-Gauguin. Un nom à suivre, bien sûr, dans les années à venir pour ce qui est de la voix féminine en Acadie. Allons-y du côté masculin maintenant. Je suis tombé sur un album vraiment intéressant. Un personnage que je connaissais pas, un artiste que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à TFO. C'est tout simplement Dave Poise. Dans le prélat, c'est l'album. Et en passant, la plupart des albums que je vais nommer sont disponibles via Distribution Plage, www.plageavecuns.net. Donc, dans le prélat, Dave Poise, une espèce de blues rock assez intéressant. On va entendre la pièce pour être avec elle. Vraiment, vraiment très intéressant. Il y a un jeune Acadien du nom de Tommy Bolger que j'ai reçu comme ça en fouillant sur l'Internet. J'ai découvert ça. J'ai demandé un album. Il m'a envoyé un album. J'ai écouté l'album. J'ai dit « Wow! » Hey, du bon rock'n'roll, oui, pourquoi pas. Tommy Bolger, qui nous a offert de très bonnes pièces sur son album éponyme, dont Virginie. Ça, c'est assez intéressant aussi. Retenir aussi ce qui roule pas mal ces temps-ci à la radio, ou ce qui a roulé pas mal au cours de l'année à la radio, c'est Road Trip. Et il y a d'autres bonnes pièces comme ça sur cet album-là. Donc, à découvrir. Et on va terminer ça avec Pierre Guitard qui devrait nous sortir un nouvel album là, très très bientôt. Je ne l'ai pas reçu encore. Peut-être que ça s'en vient. Mais Pierre Guitard, un style assez particulier à lui. Aussi très rock'n'roll. Très intéressant. Je l'avais découvert à Contant-Contarois. Et Monsieur Joey Robin Haché m'avait dit « Check ce gars-là. Il est bon. Puis c'est intéressant ce qu'il fait. » Et c'est vrai. Donc, Pierre Guitard, on va entendre la pièce « Embrasse-moi ». Mais on commence ça avec « Pour être avec elle », Dave Poids. Elle dit que l'amour lui a menti, que son cœur souffre avec elle. Elle dit qu'elle dort toute seule la nuit, car l'homme est sourd et infidèle. Pourtant j'écoute lorsqu'elle m'écrit, je sais même qu'elle porte des dentelles. Je suis parti refaire mon lit, j'aimerais m'endormir avec elle. Oh, je l'aime même si je la connais pas, je l'aime même si que je la vois pas. J'aimerais tellement être avec elle, je change mes bras pour des ailes. Je la touche même si qu'elle est pas là, je l'embrasse même si qu'elle m'embrasse pas. J'aimerais tellement être avec elle, je change mes bras pour des ailes. Oh, oh, pour être avec elle. Oh, pour être avec elle. Je veux que son cœur connaisse mon cœur, je veux que sa peau demande mes mains. Je veux être là quand elle pleure pour que son corps s'accroche au mien. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, faut que je m'arrange pour qu'elle m'aime. Même si moi je suis pas grand chose, non c'est quand même pas, ça me fait de la peine. Je l'aime même si que je la vois pas. J'aimerais tellement être avec elle, j'échange mes bras pour des ailes. Je la touche même si qu'elle est pas là, je l'embrasse même si qu'elle m'embrasse pas. J'aimerais tellement être avec elle, j'échange mes bras pour des ailes. Oh, oh, pour être avec elle. Pour être avec elle. Peut-être qu'elle vit juste dans mes rêves, peut-être qu'elle vit juste quand j'y pense. Peut-être qu'elle vit juste sur mes lèvres, peut-être qu'elle vit juste quand je la chante. Je l'aime même si je la connais pas. Je l'aime même si que je la vois pas. J'aimerais tellement être avec elle. J'échangerais mes bras pour des ailes. Je la touche même si qu'elle est pas là. Je l'embrasse même si qu'elle m'embrasse pas. J'aimerais tellement être avec elle. J'échangerais mes bras pour des ailes. Pour être avec elle. Pour être avec sa peau. J'ai volé la clé de son cœur, égaré, je mets mon élément de son numéro. Pour

Et voilà, Pierre Guitard, excellente chanson, Embrasse-moi, à suivre, à surveiller, bien sûr. Et comme je vous dis, la plupart de ces artistes-là, on peut les retrouver sur Distribution Plage, www.plage.net. Vous allez là, vous allez trouver du produit acadien, ça c'est sûr et certain, et du bon à part de ça. Donc, émission spéciale, nouveau visage, des gens qui, dans les deux dernières années, sont venus me séduire et me charmer, et que je vous dis qu'il faut surveiller parce que dans les années à venir, ces gens-là seront la scène musicale acadienne. Vraiment de beaux produits. On va faire une pause, si vous voulez bien, après quoi, normalement, c'est l'album de la semaine, mais je vous reviens avec tout simplement quelques albums comme ça qui m'ont charmé au cours de l'année, et soit dit en passant, j'ai mon top 10 de l'année 2018 qui s'en vient également la semaine prochaine. Donc, vraiment très, très, très bien fait. Donc, 10 meilleurs albums que j'ai reçus au cours de l'année. Et vous allez voir, il y a de très bons produits. Pour l'instant, on va faire une pause, si vous voulez bien, et je vous reviens dans quelques minutes, bien sûr, avec la continuité de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne.